Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur vos ondes favorites, le 100 FM à Toulon ou le radio-active.net pour partout ailleurs, c'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées qui commence tout de suite. C'est donc Lost in Space. Psychédélisme à gogo dans cet album de Ancient River, duo floridien qui reste calme dans la tempête, un peu comme les albums Stoner enregistrés dans le désert. Mid-tempo, influence floydienne première époque, ambiance quasi gothique par moment et voix éthérées qui plairont aussi bien aux vieux fans du psyché 60s qu'aux trentenaires biberonnés au shoegaze. C'est-à-dire que ça peut être douloureux, c'est excitant, mais c'est vrai qu'on est comme en suspension, oui, ben ça coûte cher. Je pense que le rapport est différent quand on tourne en vidéo ou en numérique. Enfin, alors que là, on n'a pas beaucoup de pellicules, et quelque part, tout le monde est transcendé. Parce que oui, un acteur, c'est quelqu'un qui brille, qui imprime. Et que ce soit les techniciens, et puis on est obligé de, il y a une contrainte du temps qui est terrible. C'est-à-dire qu'il faut écrire absolument son poème, sa page par jour. Enfin, du moins quand on a assez petit budget, on peut pas déborder. Et moi, j'ai jamais pu retourner, comme j'étais souvent dans des endroits un peu éloignés, je voyais pas les rushs. Donc je dis c'est un art aveugle. C'est-à-dire qu'on tourne, mais justement cet aveuglement fait que qu'il y a parfois un point de vérité qui surgit. C'est-à-dire que c'est vraiment un mode d'expression quand même unitaire et collectif, comme disaient les Lies. C'est-à-dire que, par exemple, l'opérateur, le réalisateur, on est tous dans le noir, quoi. Et il y a une sublimation, quelquefois, de ce qu'on aurait pu voir. Moi, j'ai tourné toujours sans vidéo. Et au rush, quelquefois, on découvre quelque chose qui... Oui, il y a une geste collective qui fait que c'est mieux que tout ce qu'on avait pu combiner très objectivement et lucidement. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, et c'est l'heure du premier live de la soirée. Ce soir, ce sont les Mauvais Garçons, groupe lyonnais que j'ai beaucoup fréquenté à une époque. Enregistré ici, donc au Rai Théâtre, c'est une vieille salle de Lyon qui n'existe plus. Enregistré en 1993, et voilà la suite, il ne reste plus qu'à l'écouter. Merci.

Au prénom. Ce qu'il te faut, c'est pas si mal à l'action. vous connaissez ? Eh ben, c'est super. The world begins to vibrate as the thrill of the evil. This is a king of dragons in the cabinet to gain memories we know. God knows that it's on here to dream the best of what he has to do. And as he can return to sky, it's songs that he can. Yeah.

Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, sur Radioactive. Le live continue. Maintenant, on passe à Johnny Saunders, les Heartbreakers, qui vont être enregistrés cette fois-ci au Max Kansas City. C'est un des lieux les plus mythiques de New York, de l'époque punk de la fin des années 70. C'est un peu le pendant du CBGB, c'était l'autre salle où tout se passait. Donc un concert de Johnny Saunders beaucoup plus électrique que celui de la semaine dernière, parce qu'on les retrouve dans les conditions d'époque. kind, so kind. I don't know what to do. Hey, yo, give us some monitors. What? Yeah, turn out them boxes. What are you on, Jack? Some monitors. This one's called Chinese Rock. I want. Ambiance new-yorkaise sur ce Lost in Space sur Radioactive ce soir avec Johnny Thunder. Si on continue avec la bio de Marky Ramone qui s'appelle Punk Rock Blitzkrieg, comme on a fait beaucoup de fois ces dernières semaines. Papa et grand-père Julius ont mis leurs compétences en mécanique à notre service, à Fred et à moi, en nous aidant à construire un immense circuit de train électrique avec lequel on a joué pendant de nombreuses heures. Papa nous a aussi poussé à construire des maquettes en plastique de voitures, d'avions et de navires de guerre. Fred adorait faire des maquettes de monstres des studios Universal, la momie, Dracula, le loup-garou et l'étrange créature du lac noir. Il les peignait de façon très fidèle. Les maquettes nécessitaient de la colle Testors, dont l'odeur très puissante pénétrait rapidement dans nos narines. Cette odeur était tellement mauvaise qu'elle en devenait bonne, elle nous enivrait légèrement. C'était le petit plus de la construction de maquettes. Yeah. Une fois qu'on est allé à l'école primaire, il n'y a plus eu de sieste. PS217 était l'endroit même où nos parents s'étaient rencontrés. Maman nous préparait nos gamelles. On pouvait jouer dans la cour de récré à l'heure du déjeuner. Dans l'ensemble, je m'entendais bien avec les autres gamins, mais je me retrouvais de temps en temps impliqué dans une bagarre. Une fois aux toilettes, un gamin m'a accusé de lui avoir volé son jus de raisin. Bon sang, mais pourquoi aurais-je voulu le jus de raisin d'un autre ? On s'est donc battu sur le champ, devant les urinoirs, jusqu'à ce qu'un des instructeurs déboule et nous sépare. C'était juste des trucs de gamins. Quand on rentrait à la maison, notre grand-père Julius nous surveillait jusqu'à ce que maman et papa reviennent du travail. Le marché, c'était généralement qu'on se débarrasse de nos devoirs avant de jouer. S'il faisait mauvais, on regardait alors des rediffusions d'émissions des Trois Stooges, d'Abbott et Costello ou des aventures de Superman. The Three Stooges Show était probablement ma préférée parce qu'ils étaient dingues, avec toutes ses claques et ses coups, mais en même temps, ils formaient une unité, une équipe. C'était comme trois fois plus de comédie que les autres émissions, concentrées en une demi-heure. What makes you think you're better than La plupart du temps, j'attendais dehors, devant l'immeuble, que mon père rentre du travail. Quand je le voyais arriver, je courais vers lui pour qu'il me prenne dans ses bras. J'admirais vraiment mon père. Il était très relax au sujet de bien des choses, mais inflexible quand il fallait l'être. Mon père faisait 1m90, 100 kg et portait les lunettes épaisses à monture noire qui étaient en vogue à l'époque. Il me faisait penser à Clark Kent. Ma mère ressemblait à une actrice. Elle était spontanée et solide quand il le fallait. Mes parents semblaient avoir une super relation. Je ne pense pas les avoir jamais entendus se disputer. S'ils le faisaient, ce n'était jamais devant nous. Généralement, quand il ne faisait pas mauvais, Fred et moi on jouait au punchball ou au stickball avec nos amis du quartier. Le stickball était en gros un baseball de rue joué avec un manche à balai. Quand ça devenait ennuyeux, on passait à des choses plus excitantes comme escalader des escaliers de secours ou se glisser dans des chaufferies. On se bagarrait avec des gamins d'autres pâtés de maison du quartier, généralement parce que quelqu'un se trouvait sur le territoire de quelqu'un d'autre. On était juste des gamins de Brooklyn comme les autres. I told you so, she's the one, she's the one. Par une de ces journées particulièrement ennuyeuses, un copain a eu l'idée géniale de prendre un tas d'oreillers et de couvertures, de les attacher ensemble et d'en faire un mannequin. On a plutôt fait du bon travail vu qu'on n'était pas des pros. On a transporté le mannequin sur le toit de notre immeuble et on a attendu que quelqu'un se pointe en bas. Était dans le timing. Quand quelqu'un arrivait en marchant sur le trottoir à environ 15 mètres de notre cible, on jetait le mannequin par-dessus le parapet et on hurlait à plein poumon comme si quelqu'un sautait. Ça marchait. Pour quelqu'un qui n'a qu'une seconde pour regarder en l'air et comprendre ce qui se passe, ça ressemble vraiment à un corps en train de tomber. Les gens flippaient. Une fois, on a visé un jeune couple qui transportait des sacs de course. Alors que le mannequin plongeait vers sa mort, l'homme et la femme ont tous les deux laissé tomber leurs sacs et les provisions ont roulé partout sur le trottoir et sur la chaussée. Là-haut sur le toit, on riait si fort que nos yeux pleuraient et que nos estomacs nous faisaient mal. C'était le genre de rire où on n'est pas sûr de pouvoir respirer à nouveau un jour. Sans le parapet, je pense qu'on aurait pu tomber du toit comme le mannequin. Le mannequin renaissait toujours et on améliorait constamment notre technique de lancer. Un jour, on l'a lancé jusqu'au milieu de Dartmouth Avenue devant une Plymouth 55 qui arrivait. Le conducteur a pilé et dérapé, manquant de peu de rouler sur la tête du mannequin. Le problème, c'est que le conducteur et le passager se sont tous les deux cognés la tête sur le tableau de bord. L'autre problème, c'était la carrure du chauffeur. Il était très grand et il était très énervé. Il est sorti de la voiture, a regardé en l'air et nous a repérés sur le toit. Le fait qu'on était en train de rire n'a rien arrangé, mais on a très vite arrêté de rire quand il a crié qu'il allait monter pour nous jeter du toit, nous aussi. On a vite décampé par la sortie de secours à l'arrière, descendant l'escalier de l'immeuble, se planquant n'importe où pour se mettre en sécurité comme une bande de cafards qui se dispersent quand la lumière s'allume. Il y avait des tas d'endroits où se cacher à la cave. Je n'en suis ressorti que quand j'ai estimé que le danger était passé. Chaque fois que je pense au truc qu'on faisait, je me dis que si vous étiez un gamin vivant à Brooklyn à l'époque, c'était votre devoir de vous attirer des ennuis. Finalement, le mannequin s'est retrouvé plus ou moins défoncé et le canular usé, alors on est passé à autre chose. J'avais un ami qui s'appelait Joël et qui vivait dans l'immeuble. C'était un gamin joufflu. On traînait toujours ensemble et Joël faisait tout ce qu'on faisait. Il y avait un terrain vague près de notre immeuble où on allait en bande faire des batailles de cailloux. Un jour, j'ai touché Joël avec une pierre et le sang s'est mis à gicler de sa tête comme d'une bouche d'incendie. On aurait dit une scène de film d'horreur. Un des gamins savait comment s'y prendre pour appuyer sur la blessure et arrêter le jet. Étonnamment, Joël n'a pas eu besoin de points de suture. Blitzkrieg Bop des Ramones à l'instant sur le 100 FM pour clôturer cette longue lecture d'extraits du bouquin de Marky Ramone, Punk Rock Blitzkrieg. On continue en musique et Guttermouth et Food Storage, le tout entrecoupé d'un interview de Sergio Martino, cinéaste italien. So say, c'est un escamotage de tous les films. Il faut avoir toujours des personnages qui sont à l'intérieur d'une histoire de thriller. On a besoin de quelques problèmes qui viennent de son enfance, de sa condition, de son esprit, de son intimité. Et aussi, je crois, dans la vie, si je crois pas que personne soit trop optimiste, très sereine, vive des situations de difficultés. Ça peut tomber, mais en tout cas, si on a une situation de thriller, c'est aussi un serial killer, je ne crois pas qu'il soit un personnage qui vit sa vie normalement. On va voir quelque chose dans son passé ou dans son enfance. L'enfance, c'est important. Beaucoup de films, je me suis inspiré à des situations psychologiques de Freud ou de quelques autres personnages de la psychiatrie. C'est une des raisons pour lesquelles on fait des films thrillers. Je crois que l'accuse qu'il y a quelqu'un qu'on a abusé de ce genre de choses, en part c'est vrai, parce que c'est la demande qui faisait la distribution. Il voulait toujours, c'était une période de l'histoire du monde en Italie, qu'il avait, après les 68, il avait beaucoup de changements. Ça veut dire avant on était un pays avec lequel on ne peut pas avoir rien dans les cinémas, dans les spectacles, dans les théâtres. Je me souviens la première fois que je suis venu à tourner à Paris, pas comme directeur, mais comme assistant, il y avait quelqu'un de l'équipe qui allait tout de suite acheter les journaux dans les françaises pour voir les femmes nues. Et ça, c'est pas, je parle de 65. Et moi aussi, c'est une expérience, voir je peux dire des Playboy. Non, il y avait Playboy et tout le monde l'achetait. Les femmes en Italie, c'était interdit de les vendre. Après, au commencement des années 70, en Italie, on a changé tout. Et dans ce moment, on a utilisé ce genre de possibilités pour donner aussi des morbosités. Je me souviens, le film de Bava... Le Taureau et le Fouet. Il a eu des problèmes avec la censure italienne, parce qu'il y avait quelque chose de masochisme. Et pour ma fortune, mes films n'ont jamais eu des problèmes de ce genre. Et aussi de ce genre de choses. Mais aussi, dans les films... Les Italiens, vous savez, sont beaucoup clairs, non? J'ai tourné aussi des séquences avec une partie qui je savais que la censure ne va couper. Et Et la chose incroyable est qu'ils sont restés dans le négatif. Parce que j'ai terminé le film et je savais que dans ces moments, avec je pouvais couper sans créer problème pour le son. Vous savez qu'il y avait 23 photogrammes de différence entre l'image et le son. Non? Et on tournait de ces cas. Et maintenant, on les voit sur les choses télévisées. Parce que les négatifs, ils restaient longs. Et on n'a pas porté ces Madame Wong, il y a des images qui sont coupées, qu'on les fait pour les pays pour les pays comme la France, alors qu'il la mérite, mais pour la censure italienne, il était obligé à les couper. Et pour ça, on avait la chance de dire, bon, vous voulez faire des coupes? On fait les coupes, et comme ça, la censure c'était content, et nous avons le même film. Ne donnez pas des problèmes à la continuité de l'histoire.